le père Roland, ancien bijoutier parisien, est venu vivre une vie de rentier au Havre avec sa femme et leurs deux fils, Pierre, 30 ans, de 5 ans l'aîné de Jean. Ils ont fait la connaissance de Madame Rosémilly, jeune et riche veuve de 23 ans, d'un capitaine au long cours. Exceptionnellement, ce jour-là, le père Roland a invité sur la Perle son bateau de pêche, sa femme et Madame de Rosémilly. Pierre, qui vient de finir ses études de médecine, et Jean, ses études de droit pour être avocat, rame à qui mieux pour épater la jeune veuve qui semble préférer Jean, déjà le préféré de la famille, jugé plus posé et plus stable que son aîné. À leur retour au Havre, le notaire leur apprend que Jean est nommé légataire universel de M. Maréchal, un des amis de la famille, qui vient de mourir.